Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le 11 novembre 1918, la guerre est finie, c'est l'armistice. Mais alors que les cloches sonnent pour fêter la victoire, les soldats dans les tranchées attendent d'être démobilisés. Ils ne rentrent pas chez eux sur un coup de sifflet, ce sifflet qui les faisait frémir quand ils partaient à l'assaut. Les poilus quittent les tranchées pour se rendre dans les casernes. La démobilisation prend du temps. Les soldats sont dans les casernes et ils s'ennuient l'occasion de revisiter la géographie des régions autour du Rhin. L'Alsace, le Rhin, ça va, la Moselle, la Rhénanie, la Sarre, la Ruhr. Plus compliqué, oui, ils ont l'occasion de revisiter la géographie. Une fois la guerre terminée, que faire? Comment réparer ces désastres? Les alliés, lors du traité de Versailles, décident de se partager l'Allemagne. Et si la guerre continuait après la guerre. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons observé les nouveaux regards portés sur la Première Guerre mondiale, les images de la guerre, les enfants dans la guerre, les pays neutres dans les hostilités, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, rejoignez-nous pour échanger, pour discuter sur ces émissions sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Aujourd'hui, reconstruire et raconter la guerre après la guerre. Avec vous, Isabelle Davion. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur de « Militaires et diplomates face à l'Europe médiane, entre médiation et construction des savoirs ». Dites-nous, Isabelle, vous avez également travaillé pour un documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours. Vous avez été conseillère historique du documentaire « Occuper l'Allemagne ». C'était un documentaire de Jérôme Prieur qui a été diffusé le 11 novembre, qui est disponible, on peut le regarder en replay, jusqu'au 11 décembre. Conseillère historique, ça veut dire quoi? On vous donne les textes et vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur? Oui, enfin c'est en tout cas un travail de discussion, d'aller-retour intellectuel entre le réalisateur et puis sa monteuse et puis moi-même. Et oui, j'interviens sur les textes, je relis, je fais des suggestions. C'est beaucoup de batailles homériques avec le réalisateur qui est très têtu pour faire passer certaines idées. Et parfois pas, mais c'est en tout cas un travail absolument passionnant. Et ce film a été diffusé avec un immense succès parce qu'il y a eu 1 million de téléspectateurs. Et donc j'encourage vivement vos auditeurs à se rendre sur le site de France 3 s'ils ne l'ont pas vu encore. Isabelle Davion, vous êtes historienne et vous faites un travail de conseillère historique sur un documentaire avec Jérôme Prieur en tant que réalisateur. Est-ce que ça vous oblige à porter un nouveau regard? Vous êtes historienne, donc vous faites de la recherche, vous faites de l'histoire, mais vous êtes historienne, donc vous êtes également là pour transmettre l'histoire. Vous le faites en tant qu'enseignante, oui. Vous le faites dans vos ouvrages. Là, c'est un exercice différent. Ça oblige de porter un nouveau regard, celui sans doute de la synthèse, parce que dans un documentaire, on ne peut pas tout dire. Alors, c'est forcément un autre regard, puisque ma mission, si je puis dire, c'est quand même de me couler dans le regard du réalisateur. C'est son film, je n'ai pas à intervenir là-dessus. Et ce qu'il y a de particulièrement précieux, c'est que Jérôme a un regard extrêmement littéraire sur tous ces sujets. Il a un rapport très intime à l'archive. Dans ses films, les archives nous regardent. Et moi, c'est quelque chose que je ressens aussi lorsque je travaille sur mes archives diplomatiques et militaires. Donc voilà, mais j'insiste sur le fait que c'est avant tout rentrer dans l'univers qui est servi par le réalisateur. Un univers littéraire, vous l'avez dit, Isabelle Davion. Et bien justement, après avoir discuté avec vous de ce moment de l'après-armistice où la France occupe l'Allemagne, nous allons partir à la rencontre de Maurice Genevoix. Et oui, Maurice Genevoix, qui est ancien combattant, il a fait Verdun, Maurice Genevoix. Et nous allons partir visiter sa maison. Et en toute fin d'émission, dans le cours de l'histoire, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure la programmation de notre émission. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous sommes toujours un peu dans la littérature avec Pierre Macorlan. Pierre Macorlan qui publiait en 1919 « La fin », c'est le titre de son ouvrage « Souvenir d'un correspondant aux armées ». Pierre Macorlan qui a été voir ce qui passait en Allemagne après l'armistice. Ce sont des textes qui sont lus en 1965. Cette course sur les routes allemandes où très rarement nous apercevons un train de combat et un train régimentaire qui regagne un cantonnement est suffisamment poignante. La nature est plus hostile aux vainqueurs que les hommes. Son aspect sournois dépasse les limites de la sévérité Et sur une route, parfois, comme toutes les autres routes, on sent la guerre, la fin de la guerre, et l'écroulement des espoirs d'un grand peuple. Et pourtant, pas un soldat à l'horizon. Parfois, devant un passage à niveau fermé par une poutre peinte aux couleurs de la Bavière rhénane, nous nous arrêtons pour laisser passer un triste convoi de 7 ou 8 locomotives qui vont se rendre selon les conventions de l'armistice. On n'imagine rien de plus mélancolique et de plus agréable, cependant, que ces longs convois de wagons enchaînés comme des vaincus. Pierre Macorlan qui parle de l'Allemagne après l'armistice, Isabelle Davion. Il faut remettre en place la chronologie. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Mais nous avons en tête le traité de Versailles, qui règle les conditions de la paix en 1919. Mais en vérité, dès le 11 novembre 1918, les Français commencent à regarder vers l'Allemagne et les Français commencent à occuper donc cette région le long du Rhin, la Rhénanie. Oui, alors la convention d'armistice a pour objectif de rendre la reprise des hostilités par l'Allemagne impossible. Il faut quand même rappeler qu'un texte d'armistice est un cessez-le-feu, ça ne met pas fin à l'état de guerre, ça seul le traité de paix le fait. Et le traité de Versailles entre en vigueur en janvier 1920. Donc vous voyez, on vit sous un régime d'armistice pendant très très très longtemps en Europe. Donc, dans la convention d'armistice, l'article 1, c'est la cessation des hostilités. Et après, il est demandé à l'Allemagne de quitter les territoires envahis, de quitter l'Alsace-Lorraine en 15 jours et de quitter la Rhénanie en 30 jours. L'idée, c'est que les armées alliées soient en Rhénanie pour le cas où les hostilités devraient reprendre. De la même façon, dans la convention d'armistice, on demande à l'Allemagne de livrer de l'armement, de livrer du matériel de communication type wagon, camion, locomotive. Tout ça, c'est vraiment pour empêcher l'Allemagne de reprendre la guerre. Après, par la suite, dans le traité de Versailles, la question de l'occupation rhénane est reprise. Mais là, c'est autre chose parce que ça va être une occupation en temps de paix. Donc, c'est encore un autre sujet. Oui, il est important vraiment de voir cette chronologie assez fine, même si on est sur plusieurs années, oui. C'est long. Nous le regardons d'aujourd'hui, donc le temps est toujours un peu condensé, mais en fait, c'est du temps long. Donc, 11 novembre 1918, l'armistice, les soldats français arrivent en Allemagne. Là, c'est très difficile à faire, mais l'historien sait prendre ce parti-là, d'imaginer ce qu'ont pu ressentir des soldats français qui, pour la première fois, mettaient le pied en Allemagne, parce que pendant les 4 ans de conflit, les combats ont lieu sur le sol français. Le territoire allemand n'est jamais envahi. Oui, c'est l'un des grands arguments français, notamment dans le dossier des réparations. C'est l'idée que l'Allemagne n'a pas un carreau de cassé du fait de la guerre, alors que la France, la Belgique ont été atteintes au cœur même. Ce que l'on voit très très bien d'ailleurs dans le film de Jérôme, c'est ce sentiment qu'ont les soldats d'entrer dans le pays vaincu et de quitter un pays en ruine, puisqu'ils viennent en gros du nord-est de la France, qui ont été les régions envahies, et ils traversent le territoire ennemi, enfin, et ils traversent un territoire intact. Un territoire intact avec un ennemi qui, pendant plusieurs années, a été qualifié de tous les noms, a été présenté comme un monstre absolu. C'est toujours ce jeu entre la civilisation et la barbarie. Donc les soldats, les poilus, sont avec ces idées en tête quand ils arrivent sur les territoires allemands. Comment ça se passe? En fait, nous sommes dans une occupation. Alors, pas une occupation, je suis toujours sur la période juste après-guerre, avant que ça se mette en place de manière officielle. Une occupation violente, il y a des vengeances, il y a une volonté de montrer que ça y est, nous sommes les vainqueurs et nous allons nous venger. Ça reste une armée malgré tout professionnelle. Ça reste, oui. Alors, une occupation violente, ça dépend dans quel domaine on se situe. Si vous parlez en termes militaires, en termes, je dirais, concrets, non, l'occupation n'est pas violente. Après, pour la population allemande, voir une armée ennemie occuper son territoire, c'est forcément ressenti comme extrêmement violent. Mais il y avait cette volonté chez les Alliés, et particulièrement chez les Français d'ailleurs, d'imposer l'évidence de la défaite à l'Allemagne, parce qu'on sent bien que les Allemands considèrent qu'ils n'ont pas perdu la guerre. D'ailleurs, la demande d'armistice faite par l'Allemagne dit « pour éviter que les fusions de sang continuent, nous demandons la guerre ». Donc, c'est pas parce que nous ne pouvons plus nous battre, alors qu'en fait, dans le fond, les historiens le montrent de mieux en mieux, savoir les soldats allemands s'agglutinaient dans la ligne de communication, plus personne ne rentrait de perte, enfin, ils ne voulaient plus se battre. Mais le discours, ça n'est pas ça. Le discours, c'est presque un geste humanitaire. Nous pourrions continuer à nous battre et nous gagnerions, mais pour mettre fin à les fusions on le sent, faisons un armistice général. Donc l'occupation de la Rhénanie décidée par l'armistice a aussi cette volonté d'imposer une mentalité de vaincu. De nombreux Français seraient bien allés jusqu'à Berlin, nous le savons, mais notamment Pétain aurait voulu aller jusqu'à Verdun, Poincaré également, Berlin. Jusqu'à Berlin. C'est un sublime lapsus parce que Pétain, Verdun. Oui, n'est-ce pas? Et c'est Foch et d'ailleurs Clémenceau qui sont rarement d'accord ces deux-là, mais là en l'occurrence l'étaient, qui ont dit on ne peut pas refuser la demande d'armistice. En revanche, Foch dit, ce que nous allons faire, c'est occuper la Rhénanie en temps de paix. À vous écouter, Isabelle Davion, les politiques n'ont pas tellement la parole dans ce moment de l'après-armistice. Ce sont encore les militaires qui ont la main. Foch, Pétain si, et d'autres. Alors, non, si quand même. Hein, de plus en plus, à partir de début 1918, ce sont quand même les hommes politiques qui ont leur mot à dire. Et je dirais même, ce sont les anglo-saxons de plus en plus, aux grandes dames des Français, qui ont leur mot à dire. Et la pilule est difficile à avaler de ce point de vue-ci. Non, ce que je voulais dire, c'est que le parti d'aller jusqu'à Berlin était soutenu, notamment par Pétain. Mais c'est quand même Clémenceau qui finit par trancher avec Foch sur le fait qu'on ne peut pas payer ce coût humain, ce surcoût de mortalité-là. Dès la fin de la guerre, dès la fin de l'année 1918, il y a des soldats français en Rhénanie, alors que l'idée de mettre en place des traités de paix se développe, mais elle était développée déjà avant, notamment par Wilson, le président des États-Unis. Nous allons écouter un témoignage, Georges Bonnet, un témoignage un peu plus tardif, mais enfin c'est Georges Bonnet, un ancien combattant qui termine lieutenant d'artillerie avec la Croix de guerre et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Et à l'armistice, il est nommé directeur des services de la démobilisation et il est délégué de la France à la conférence de la paix, donc à Versailles, dont il est même l'un des secrétaires. Après le traité de Versailles et après les sacrifices terribles que nous avions subis, que la victoire avait comporté pour nous, sacrifices en hommes, en matériel, en argent, la France avait perdu une grande partie de sa liberté et de sa puissance. Il arrive souvent que les héros de la guerre sont souvent les vaincus de la paix. Georges Bonnet, donc délégué de la France pour les traités de paix, et nous l'entendons, cet homme-là, qui synthétise en fait toutes les rancœurs de la France envers l'Allemagne, enfin des rancœurs légitimes, mais il y a vraiment cette idée de sacrifice, de perte de puissance, et dans la volonté de régler la paix, c'est sans cesse la question, d'où le problème des réparations, qui est un problème majeur, ce problème des réparations, Isabelle Davion. Oui, c'est vrai qu'en France, donc 1 400 000 morts à peu près, il faut donner un sens à ça, à cette mort industrielle. Ça, voilà, il faut offrir quelque chose à la population française. Et la France a des buts de guerre dès le départ. Et parmi ces buts de guerre, il y a l'annexion de la Sarre, et éventuellement, la récupération de l'Alsace-Lorraine, ça va sans dire, mais aussi l'annexion de la Sarre et le détachement de la Rhénanie, du territoire allemand. Après tout, l'unité allemande est assez récente. On se souvient quand même que dans la Confédération, enfin même dans l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, vous aviez le cercle rhénan, le cercle saxon, enfin l'Allemagne était une Allemagne de principauté, de duché. Donc pourquoi pas détacher la Rhénanie, alors non pas pour l'annexer, mais pour en fait en faire un État autonome qui serait dans une union douanière avec la France et la Belgique, voire géré par la SDN, etc. Donc ça, ce sont les buts de guerre. Et il faudrait quand même en satisfaire un certain nombre. Après, sur la question des réparations, la guerre a coûté très cher à la France ainsi qu'à tous les États belligérants. Et il y a l'idée que l'Allemagne doit payer, c'est normal, et que l'Allemagne paiera. Ce qui est bien dangereux dans le discours français et dans l'action politique française, c'est que les réparations versées par l'Allemagne sont comptabilisées dans le budget de l'après-guerre. Et ça, c'est dangereux parce que c'est quand même budgétiser des sommes à venir. Et ce qui est, oui, très problématique autour de la volonté de récupérer de l'argent et puis la réalité de la situation. Isabelle Davion, vous avez évoqué la SDN, la Société des Nations. On sent bien dans ces moments-là, au moment de la négociation des traités de paix, qu'il y a une volonté de mettre en place une paix internationale et puis la réalité des Français qui veulent récupérer de l'argent. Vous avez dit que effectivement l'Allemagne était divisée peu de temps auparavant, et c'est important de le rappeler, l'unité allemande se fait avec la guerre précédente, hein, enfin, la guerre de 1870-1871, c'est l'unité allemande, donc c'est pas si vieux, c'est dans les mémoires, et les réparations également que l'Allemagne avait demandé en 1871 sont toujours dans les mémoires pour les Français. Ça semble logique de demander de l'argent. Alors c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Lorsqu'on a perdu la guerre, on paye un tribut au vainqueur. C'est assez ancien. Alors en 1871, l'Allemagne de Bismarck avait réclamé 5 milliards de francs or, ce qui était un chiffre arbitraire. C'était un chiffre rond. La France avait lancé un emprunt pour couvrir ces réparations. En 1919, les Alliés ont dans l'idée de calculer ce chiffre pour qu'il ne soit pas arbitraire justement, avec l'idée que les Allemands l'accepteront mieux. Pas vraiment bien marché, mais c'était l'idée de départ et elle était honorable. Donc après, la question c'est, ça c'est tout le discours entre les Anglo-Saxons, enfin notamment les Britanniques et les Français, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on prend en compte pour calculer ce chiffre? Est-ce qu'on prend en compte le coût de la guerre? Est-ce qu'on prend en compte le manque à gagner? Est-ce qu'on prend en compte les destructions? La France veut qu'on prenne en compte les destructions puisque la Belgique aussi, puisque on a du territoire détruit. Mais les Britanniques qui n'ont pas leur territoire touché, ça ne les intéresse pas, ça. Ils disent non, il faut prendre en compte le manque à gagner, etc. Et je me permets dès lors de préciser que à la conférence de la paix, la France avait proposé un chiffre de réparation qui oscillait entre, disons, 130 et 180 milliards de Deutschmark or, de marque or, et Lloyd George avait proposé 230 milliards de marques or, parce que il voulait que l'Allemagne paye les pensions et d'invalidité des militaires britanniques. C'est une question brûlante, celle des réparations, ouais. Et c'est dans cette question-là que s'inscrit l'occupation de la Rhénanie. L'occupation de la Rhénanie, Isabelle Davion, vous avez bien dit, c'est pour éviter que l'Allemagne puisse attaquer de nouveau la France. Donc il y a tout un aspect militaire. Mais il n'y a pas qu'un aspect militaire dans cette occupation. Après une occupation, alors là, vraiment factuelle, qui suit l'armistice pour que les Allemands ne viennent pas, il y a une occupation autre. En temps de paix, quelle est cette occupation? Comment elle est conçue? Alors d'abord, elle est conçue par le traité de Versailles. Ça, c'est très important, c'est qu'elle a une base légale. Le traité de Versailles prévoit que la Rhénanie soit occupée pour garantir le paiement des réparations. Le traité de Versailles prévoit également que une fois cette occupation terminée, si les réparations n'ont pas encore été elles terminées aussi, les alliés peuvent réoccuper la Rhénanie pour forcer l'Allemagne à payer, ça c'est l'article 429 du traité de Versailles. Donc cette présence en Rhénanie a un double objectif, vous le rappeliez, c'est l'objectif de sécurité. Ça c'est tout le discours de Foch hein, qu'il expliquait aux hommes politiques, à savoir que la Rhénanie, qui sont donc tous ces territoires entre le Rhin et la frontière occidentale de l'Allemagne, constitue ce qu'on appelle en termes militaires une place forte. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on masse les troupes avant d'attaquer. Or, Foch dit en 70 et en 14, les Allemands sont passés par là. C'est une place forte allemande. Elle doit devenir une place forte française et belge et alliée, si vous voulez. Première chose. Par ailleurs, il faut également être présent sur la rive droite, d'où cette existence d'une bande de 50 km de l'autre côté du Rhin. Pourquoi? Parce que le Rhin n'est plus une protection contre les armements modernes. Un canon peut tirer d'une rive à l'autre, en gros. Donc les alliés doivent être présents là, parce que pour la prochaine guerre, il faut qu'elle se déroule sur le territoire allemand. C'est plus possible. Donc il faut être déjà au cœur de l'Allemagne lorsque la guerre est si la guerre éclate. Ça, c'est le premier aspect de sécurité. Le second aspect sur les réparations, c'est d'être présent pour assurer ce paiement des réparations et prendre également des gages en nature, puisque les réparations, c'est les 132 milliards, mais c'est aussi des versements en nature très précis de 7 millions de tonnes de charbon par an, plus enfin toute une architecture que je vous épargne. Mais bon, il y a quand même des gages en nature extrêmement importants. Alors là, il y a quand même un paradoxe qui est que l'occupation de la Rhénanie n'est prévue que pour 15 ans, alors qu'on sait que dans 15 ans, les réparations seront toujours en cours. Et donc là, il y a un problème, il y a un hiatus. Et dans cette occupation de la Rhénanie, nous devons regarder le contexte économique de l'époque. Et pour tous ces gens-là, et notamment les gens au pouvoir, l'industrialisation s'appuie, l'économie s'appuie sur le charbon, sur la sidérurgie. Et ces régions sont intéressantes parce que la France pense, en étant présente, pouvoir les exploiter, en fait. Oui, il y a même un projet, alors tout à fait confidentiel français, qui est de prolonger sur le terrain économique la victoire militaire. C'est-à-dire inverser les rapports de force d'avant-guerre où l'Allemagne dominait l'économie continentale. Donc le fait de récupérer le charbon de la Sarre, le fait de récupérer le fer de Lorraine, on espère rendre l'Allemagne dépendante du fer français et donc d'inverser les rapports de force. Affaire affaiblir l'Allemagne. C'est aussi une vision sur le long terme, un peu économiquement. Comme vous expliquez, Isabelle Davion, s'installer de l'autre côté du Rhin pour éventuellement une guerre qui pourrait arriver. Et puis, c'est la même chose, maîtriser l'économie pour affaiblir l'Allemagne, parce que la montée de la puissance allemande explique la guerre pour beaucoup de Français. Personne ne mesurait cette puissance allemande, donc il faut la casser. Oui, puis par ailleurs, on s'en rend bien compte, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les troupes, lorsqu'elles pénètrent en Allemagne, ils sont quand même dans le cœur industriel allemand, on s'en rend bien compte, c'est-à-dire que l'Allemagne a la totalité de son organe de production intacte. Voilà, ça c'est un problème pour les Français. Donc les Français arrivent en Allemagne, dans la chronologie. Donc, je rappelle, juste après l'armistice, il y a une occupation de fait. Le traité de Versailles, 1919, et puis sa mise en place à partir du début des années 20, instaure une occupation officielle de la Rhénanie. Et dans cette géographie, un mot, une région surgit, c'est la Ruhr. Là encore, on l'a appris dans les manuels scolaires, 1923, occupation de la Ruhr. Que se passe-t-il à ce moment-là dans cette région de la Ruhr? Où sommes-nous déjà, Isabelle Davion? Alors déjà, les troupes alliées occupent la Rhénanie, et la Ruhr, c'est une région du nord de la Rhénanie. On est vers Düsseldorf et Essen, au-dessus de Cologne, si vous voulez. Et en l'occurrence, l'Allemagne a demandé un moratoire. C'est-à-dire que l'Allemagne a été dans une politique d'application du traité de Versailles jusqu'à fin 1921 pour montrer sa bonne volonté. Et à partir de 21, elle se met à demander des moratoires. Du point de vue français, l'Allemagne ne paye pas parce qu'elle ne veut pas payer. Les industriels organisent l'inflation, ils spéculent contre le mark pour organiser cette incapacité de paiement. Du point de vue des anglo-saxons, c'est plus compliqué. L'Allemagne ne paye pas parce qu'elle ne peut pas. Donc là, déjà, il y a une désunion alliée sur cette question-là. Donc de moratoire en moratoire, la France décide, puisqu'elle se sent trahie par ses alliés qui ne la soutiennent pas dans ce dossier, mais qui au contraire soutiennent l'Allemagne, elle décide de reprendre sa liberté de manœuvre et donc d'entrer dans la Ruhr avec l'armée belge pour aller chercher les réparations qu'on lui refuse et puis pour recréer une volonté de paiement allemande. Mais cette occupation de la Ruhr, elle est prévue par le traité de Versailles. C'est de nouveau ce fameux article 429. Donc on rentre dans la Ruhr, au début 20 000 soldats, on est rapidement 45 000 mi-janvier, et c'est extrêmement violent pour la population allemande parce que c'est quand même une occupation militaire d'une population civile. Et d'ailleurs les Allemands eux-mêmes parlent de bataille de la Ruhr, ils ne parlent pas d'occupation. Bien justement, nous allons retrouver Pierre Macorlan. Pierre Macorlan, oui. Donc ancien combattant, qui écrit ses souvenirs d'un correspondant aux armées, et après-guerre, il se rend en Allemagne. C'est vrai qu'il faut imaginer ce correspondant aux armées qui était de l'autre côté du front, et puis qui enfin peut arriver. Il recense qu'ont vécu les soldats français. En l'occurrence, là, il se trouve à Mayence, et il est étonné par ce qui se passe à Mayence. L'heure française a remplacé l'heure allemande, les casernes sont occupées, et les 52e colonial prend la garde et défile en musique à 11h, comme les Allemands, dans le but de réanimer la population. Un peuple vaincu peut manifester son dégoût pour le vainqueur de mille et une façons, sans pour cela encourir la rigueur des pénalités d'exception. Il est permis à tous les Mayençais de rester dans leur maison et de n'afficher aucun sentiment. Ils préfèrent pour la plupart être prévenants, sans obséquiosité. Le souvenir de la grande révolution française est ici profondément enraciné. Les enfants apprennent le français depuis l'âge de 4 ans, et le monument des soldats mayençais morts pour la grande armée au service de la France est entretenu avec piété. Il ne faut pas décourager les sympathies ni brouiller les cartes quand le jeu va devenir clair. J'ai quitté Mayence il y a 8 jours après les premières heures de l'occupation. Je retrouve une cité très française, mais à la manière de 1789. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'occupation de l'Allemagne par la France après la Première Guerre mondiale. Et nous venons d'entendre Pierre Macorlan qui se trouve donc à Mayence. Alors, on est même avant, son cheminement de correspondant aux armées, nous sommes avant l'occupation de la Ruhr. Ce qui est intéressant dans son passage à Mayence, c'est qu'il observe en fait, alors attention, on peut imaginer que son témoignage est orienté, mais il observe que ça se passe globalement bien, comme s'il y avait une longue amitié franco-rhénane et que tout est formidable. Mais ça, c'est extrêmement intéressant comme témoignage, effectivement, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Français, je parle dans les cercles politiques, intellectuels, etc., qui pensent, et qui le disent d'ailleurs, Poincaré le premier, que la Rhénanie être de culture catholique, mais surtout de culture française. Et d'où le rappel de, quand même, de cette période révolutionnaire où la Rhénanie et la Sarre étaient effectivement annexées au territoire français. Donc il y a quand même cet espoir que cette occupation que les Français ont appelée pénétration pacifique soit amicale, se passe extrêmement bien parce qu'on est en gros, on est entre peuples de bon aloi et on peut s'entendre. Il y a vraiment une grosse distinction qui est faite dans la mentalité française de l'époque entre les Rhénans et les Prussiens. Et voilà, les Prussiens, c'est l'ennemi héréditaire, etc. Les Rhénans, c'est quand même autre chose. D'ailleurs, la France est en lien continu avec les autorités locales rhénanes, dont le maire de Cologne qui est Adenauer, et on est promis quand même une longue histoire d'amitié avec cet homme. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on est entre peuples cousins, dans le fond. Oui, c'est ça. Je voyais qu'il y a un décret de mai 1919 qui dit qu'il ne faut pas utiliser le terme de Boche pour désigner les Sarrois. Non, il ne convient uniquement que pour les Prussiens et les Allemands qui sont hors de la zone d'occupation. Mais dans notre zone d'occupation, il n'y a pas de Boche. Isabelle Davion, comment se passe cette occupation militaire? C'est-à-dire que ce sont des troupes, alors notamment il y a des troupes coloniales. Oui, alors il y a des troupes coloniales, ça c'est vraiment le point qui a cristallisé pendant longtemps toute l'historiographie sur cette occupation de la Rhénanie et l'épisode de l'occupation de la Ruhr en 1923. La France a démobilisé en priorité les unités métropolitaines. Voilà, donc on a quand même des soldats de métropole qui sont très présents en Europe centro-orientale, en Russie, etc. Mais l'occupation de la Rhénanie se fait notamment avec ce qu'on appelle les indigènes, qui sont environ 18 000, ça correspond à 20% de la force d'occupation française sur place. Alors pourquoi utiliser ces unités en dehors de cette question de démobilisation qui est beaucoup moins avancée pour les troupes venues d'Afrique et des colonies? Eh bien c'est aussi pour montrer la puissance française. C'est une façon de montrer à l'Allemagne, regardez notre empire. Voilà, c'est quand même presque avant l'heure du soft power. Mais et puis il y a aussi cette idée que Mangin a développée, le général Mangin a développée depuis 1910, qui est que les Français considèrent, alors dans le vocabulaire très 19e siècle, et je m'en excuse, mais ils considèrent que ce sont des races guerrières. Donc il y a quand même aussi une idée troupe d'élite, hein, lorsque l'on parle des indigènes à cette époque. Alors ça a complètement traumatisé les Allemands. Mais sur un spectre politique assez large, et le film Occuper l'Allemagne a tout un passage qui crée une sorte de vertige nauséeux avec tous les documents qui sont publiés, les illustrations, l'iconographie. Vous disiez tout à l'heure avec une grande justesse qu'il y a eu cette propagande de guerre pendant la première guerre, enfin pendant la grande guerre comme on disait à l'époque, qui disait que les Allemands étaient les barbares avec toutes ces caricatures, l'Allemand en gorille, en King Kong avant l'heure en fait. Et là, c'est la réponse du berger à la bergère, si je puis dire, c'est-à-dire que la presse allemande publie des caricatures où cette fois-ci c'est le soldat français qui est sous les traits du King Kong et avec des récits absolument délirants de femmes violées, le bébé dans les bras, enfin des choses comme ça pour montrer qu'en fait le barbare maintenant, c'est la France. Isabelle Davion, ce moment de l'occupation de la Rhénanie par la France explique, et on le sait, va être problématique à la fin des années 1930, au moment où Hitler va vouloir réoccuper la Rhénanie. Est-ce que vous analysez, vous aussi, ce moment charnière du traité de Versailles comme expliquant les décennies suivantes? Je trouve que c'est un petit peu à double détente. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette question de la Rhénanie montre les faiblesses du traité de Versailles, c'est-à-dire des décisions qui n'ont été prises qu'à moitié ou qui ont été mal prises, et notamment sur ce statut de la Rhénanie, c'était pas très clair. Et en même temps, ça montre malgré tout que les négociateurs de l'époque avaient très bien compris où les choses allaient se jouer. Et si vous voulez, lorsque il y a cette occupation de la Rhénanie qui est décidée en 1919 et que certaines voix en France disent mais si l'Allemagne veut remilitariser la Rhénanie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, que voit-on? C'est que le 7 mars 1936, ben, on a bien vu qu'est-ce qui va se passer. Et ben rien justement. Alors que il est absolument évident et de plus en plus, il me semble dans la recherche, que c'était là qu'on pouvait tout stopper. Merci beaucoup Isabelle Davion. Ce moment est passionnant, un moment court de l'après-guerre 1918, novembre 1918 et ses quelques années suivantes, mais qui explique beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent le revoir ou qui ne l'ont pas vu, Occuper l'Allemagne, c'est le film réalisé par Jérôme Prieur, dont vous êtes la conseillère historique, qui est toujours en replay sur France 3. Isabelle Davion, je vous propose d'aller faire un petit tour maintenant au Tourlourou, vous savez, c'est un cabaret pour le repos, le plaisir du militaire. C'est une chanson de 1914, créée par Bach et là, chantée par Line Renaud. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au Tourlourou, c'est le nom du cabaret. Et jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons le jour, nous y pensons la nuit. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire, à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon, un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon cravait en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient, Madelon, chanté par Line Renaud dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Pour le moment, quittons les rives du Rhin pour celles de la Loire, plus précisément pour Vernel, à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Oui, c'est là qu'avait Maurice Genevoix sa maison. Je vais remettre les mots dans l'ordre, c'est là où Maurice Genevoix avait sa maison. En 1925, Maurice Genevoix remporte le prix Goncourt avec son roman Rabolio. Il était ancien combattant de la guerre, il avait fait Verdun, il achète cette maison qui devient son bureau, son foyer, son port d'attache et presque un personnage à part entière de son œuvre. Nous la visitons avec Anne Toscane Viudez. Nous arrivons devant la maison de Maurice Genevoix où nous rencontrons Aurélie Luneau, historienne et biographe de l'écrivain, qui va nous parler de l'œuvre de Maurice Genevoix, de sa panthéonisation et de cette maison si importante dans la vie et dans l'œuvre de l'auteur. Tout est parti de novembre 2018, l'an dernier, quand le président Macron annonce la panthéonisation de Maurice Genevoix. Moi, Maurice Genevoix, je l'avais rencontré dans mon parcours d'historienne, bien sûr, ceux de 14, ces récits incroyables à hauteur d'homme, la Grande Guerre, telle qu'elle nous avait jamais été livrée de cette façon-là. Puis les lycées, les collèges Maurice Genevoix, les rues, c'est un homme qui est un auteur méconnu parce qu'il a écrit 56 livres quand même. Et on revient toujours à ses écrits de guerre. Ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment de remplir ce vide, de raconter la vie de l'homme pour qu'on puisse au moins mettre une histoire derrière un nom, le nom d'un homme qui avait été incroyablement médiatisé en son temps, né en 1890, mort en 1980, un vieux monsieur avec beaucoup d'humour, finesse, intelligence. Et aujourd'hui, on en garde uniquement l'image d'un vieux monsieur. Et on ne sait pas quoi mettre derrière le mot Genevoix, si ce n'est ses écrits de guerre et ceux de 14. Et j'ai voulu vraiment rendre à l'histoire le parcours d'un homme aux multiples facettes. C'est un homme qui a célébré la vie, sa vie durant, alors qu'il a été meurtri par la mort tout au long de sa vie. À l'âge de 12 ans, il perd sa mère. Et il puise dans la force, justement, qui émane de lui, l'espèce de rage contre les affres de la vie. Et il n'aura de cesse tout au long de sa vie, à travers ce parcours où la mort va continuer à l'accompagner, hein, il vit donc les tranchées de la Grande Guerre, il perd ses compagnons d'armes. Il dira que, alors qu'à 25 ans, on est entouré de compagnons, lui, il regardait derrière lui, et derrière lui, il n'y avait que des fantômes. Et toute sa vie, il décide de porter la mémoire de ces hommes, de ces jeunes hommes-là, ses camarades de front, qui sont tombés. Il témoigne d'abord, ses premiers écrits, c'est vraiment un écrivain de la guerre. Il témoigne de l'horreur vécue, mais avec une écriture qui est plus qu'à hauteur d'homme, à hauteur de toute la souffrance. Il ne masque rien et ses premiers livres d'ailleurs vont subir la censure parce qu'il raconte les pillages, les souffrances, les dysfonctionnements à l'arrière, les reproches aussi vis-à-vis de l'état-major. Donc ce sont des témoignages de ce qui a été vécu au plus près des hommes. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il est à la vie et à la mort. Et là-bas, Neymas décapité, Libron décapité, Reynaud tombé à plat ventre, la tête en bas, un éclat fiché dans le crâne, luisant et net comme un coin de bûcheron. Et toujours les mêmes flaques jaunes, les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tachée de boue, rongée de boue. Et la pluie qui ruisselle là-dessus, et les obus qui tombent toujours avec les mêmes sifflements, les mêmes chuintements, les mêmes explosions, les mêmes colonnes de fumée sombre, et les shrapnels qui tintent là-bas, qui poursuivent depuis 5 jours le long des routes qui s'éloignent, les groupes fragiles et lents des blessés. Les Vernelles, c'est son ancrage, son port d'attache. C'est la maison dont il a toujours rêvé. Il vivait dans une maison Châteauneuf-sur-Loire avec son père. Et après avoir obtenu le prix Goncourt en 1925, l'argent du prix Goncourt lui permet d'acheter une petite maison. Mais cette maison, elle est là, en bordure de Loire. Il la voit et c'est celle-là et pas une autre. Et aujourd'hui, cette maison, elle est incroyable parce qu'elle est dans son jus. Il ne manque que Maurice Genevoix. Donc là, on longe la maison de Maurice Genevoix telle qu'elle est aujourd'hui, restée dans la famille. Et voyez, à l'étage, vous avez ce petit balcon, une avancée, et avec donc un balcon en bois, et avec de grandes fenêtres qui font face à la Loire. Et bien, c'est depuis cette pièce-là que Maurice Genevoix écrivait ses romans. Il avait besoin d'être ici, besoin des Vernelles, de la quiétude du lieu, de ce parc magnifique, tous ces arbres, et puis de regarder, voyez, en face de nous, la Loire. Donc la Loire, elle est essentielle pour lui, c'est une figure féminine, c'est le reflet de sa mère, tout en sachant que pour lui, sa mère, elle l'a toujours accompagné à travers une étoile, quand il était sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Il regardait une étoile et cette étoile, c'était sa mère, comme une sorte d'étoile protectrice. D'ailleurs, il faut dire que par 3 fois, il a été visé et par 3 fois, il aurait dû mourir. Et c'est un miraculé, c'est celui qui a résisté sur le front parmi les morts. Nous rentrons à présent dans la maison de Maurice Genevoix en compagnie de Jacques Tassin, chercheur écologue et biographe de Maurice Genevoix, qui nous parle de l'importance de cette demeure dans l'œuvre de l'auteur et de la façon dont elle semble encore, aujourd'hui, habité par son esprit. C'est très étonnant de voir à quel point il était attaché à ses fondamentaux, à ses racines, ses fontaines, il disait. Il est vraiment tombé amoureux de cette maison, il raconte cela dans plusieurs endroits de son œuvre. Au détour d'un chemin, il suivait la Loire et puis il s'est dit, voilà, c'est une rencontre, ça a été un coup de foudre. Dans cette Loire, il y a indubitablement le souvenir de sa mère. Quand il a perdu sa mère alors qu'il avait 12 ans, qu'il s'est retrouvé avec un père qui était un peu perdu, qui se réfugiait peut-être dans sa propre sévérité, qui savait pas trop comment s'y prendre avec ses deux fils. Maurice Genevoix, lui, allait s'évader au contact de la Loire, dans laquelle il retrouvait un peu du visage de sa mère. Il y a de très beaux passages dans Rémy Desroches, notamment, où il dépeint la Loire sous les traits d'une femme, d'un visage, d'un corps et d'une grande féminité. Je pense qu'on peut dire, sans trahir le personnage de Maurice Genevoix, au contraire, en étant fidèle à son regard sur le monde, qu'il y avait une part de mystique. Alors une part de mystique qui n'était pas une part de personnage un peu fou ou un peu ésotérique, pas du tout. Il était chrétien, il se revendiquait comme chrétien, mais un chrétien qui était non départi d'une forme de mysticisme, c'est-à-dire qu'il s'autorisait à scruter de lui-même l'invisible. Et là, c'est la part du poète, du grand poète, mais dans le sens véritable du terme qui était Maurice Genevoix. Non pas le poète qui fait des vers, mais le poète qui est capable de voir par-delà les choses. Il y a une telle force de vie qui est présente en Maurice Genevoix, malgré toutes ces difficultés, ou peut-être même à la faveur de ces difficultés. Il a été galvanisé, c'est un terme qu'il utilisait hein, quand il se retrouvait dans des situations particulièrement difficiles. Il avait toujours cette capacité, alors il était modeste, il ne le disait pas comme cela, mais à passer par-dessus, à s'élever. Et finalement, c'est cette élévation, me semble-t-il, qui donne à Souverdin, le premier volume de Ceux de 14, et puis aux autres volumes qui l'ont suivi, cette forme très singulière d'élévation, de poésie, mais qui n'a rien à voir avec une forme de lyrisme, qui est juste une poésie qui est mobilisée pour donner à voir, donner à sentir. Celui qui a fait la préface de Souverdin, c'était Ernest Lavis, le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où Maurice Genevoix était passé, avait terminé à la première place. Et Ernest Lavis écrivait à propos de Maurice Genevoix, son œil voit tout, son oreille entend tout. C'était un grand scrutateur du vivant, qui savait par ses sens s'immerger dans le vivant. Nous continuons à présent notre déambulation dans la maison en compagnie de Julien Larrère Genevoix, le petit-fils de Maurice Genevoix, qui nous parle de ses souvenirs d'enfance qui habitent encore cette maison et d'une pièce un peu particulière. Bah, en réalité, ce grenier est un salon, et on l'appelle, je crois, le grenier parce que c'était un salon à l'étage. En réalité, c'est la pièce de vie que ma grand-mère a fait construire au début des années 50, entre 1946 et 1950 à peu près, pour permettre tout simplement d'avoir à la famille d'avoir un lieu où on puisse vivre pendant que mon grand-père écrivait, puisque le bureau est juste à côté, et qu'avant il n'y avait que le salon qui est en dessous, et donc il y avait cet escalier où les sons n'étaient pas interrompus, et donc on ne pouvait pas parler ou avoir une vie normale pendant que mon grand-père travaillait. Je ne peux pas vous dire quelle est la pièce que je préfère. C'est peut-être notre chambre parce que, par exemple, Sylvie, la dernière de nos filles, y est née. C'est peut-être le bureau que j'ai voulu et que j'ai annexé, parce que lui, alors, je l'ai fignolé un peu comme une œuvre d'art, enfin comme quelque chose que je souhaitais, que j'imaginais parfaitement bien, et j'avais le champ libre. Alors j'en ai fait quelque chose qui ressemblait tout à fait à mon désir. Alors, c'est tout à fait autre chose. Alors j'aime ce bureau parce que c'est là que je vis surtout, et qu'en définitive, cette présence d'un homme de lettres un peu maniaque, laborieux, contemplatif, eh bien, il y a peut-être créé une atmosphère particulière qui fait que j'ai catalysé, en quelque sorte, les préférences des miens et même celles de mes amis. Alors, cette maison, elle a ça de particulier, qu'elle est au milieu de la nature et qu'on voit aucun édifice humain, pratiquement à perte de vue. C'est pour moi ce qui en fait sa singularité et son prix. C'est que c'est vrai qu'à part un petit bout de clocher qu'on devine derrière les arbres, ben on ne voit rien. Et donc on a l'impression qu'on est là comme on aurait pu être il y a 50, il y a 100, il y a 200 ans. Et voilà, on sait bien que c'est pas la réalité, mais c'est une petite fiction un petit refuge mythologique que nous offre comme ça cette maison. Et c'est une grande chance que de pouvoir, peut-être une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, comme ça, arriver dans un endroit où effectivement on a l'impression qu'il n'y a que la nature. Ce récit de la guerre, il est omniprésent dans l'œuvre de Maurice Genevoix, mais il est aussi particulier parce qu'il s'accompagne aussi d'une certaine vision de la vie qui est souvent tendre, poétique et très positive. Tout à fait, et là-dessus, il ne s'agit pas de faire parler les morts, parce que Maurice Genevoix l'a dit lui-même à la fin de sa vie, donc en 74, il prononce un discours pour l'inauguration de la cité scolaire Maurice Genevoix de Decize, c'est sa ville natale, et il vient l'expliquer très simplement, il vient dire à ses élèves qui sont là, qui est Maurice Genevoix? Je vais vous le dire, c'est un jeune homme qui à 24 ans a été versé avec des centaines de milliers d'autres dans une expérience affreuse, qui tous les jours a fait face à la mort, celle des autres, la sienne propre, et qui a eu la chance d'être rendu à la vie, de ressusciter en quelque sorte à la vie, et qui, de ce fait, n'a eu de cesse de célébrer chaque seconde, chaque merveille, la beauté de la vie. Et tout simplement se dire, ben, en fait, le simple fait d'être vivant, et de se sentir vivant, et de se sentir respirer, est une merveille. Et c'est ça. Et il l'a dit très simplement, et je crois vraiment que son œuvre en est la parfaite illustration. C'est parce que Maurice Genevoix a été presque le dramaturge, le poète des morts, des vivants, des morts, des blessés, poète du froid, de la boue, des morts, de la nuit, qu'il est devenu ce poète des merveilles finalement, et qu'il a voulu communiquer cela, parce que c'est ce qu'il touchait, c'est se sentir vivant, et lui se sentait vivant en regardant la nature, et la nature l'a consolé. Et donc pour lui, c'était source d'intérêt, c'était digne d'intérêt, c'était essentiel. Et donc il a écrit là-dessus parce qu'il écrivait sur ce qu'il connaissait, sur ce qu'il aimait et sur ce qu'il faisait vivre. Merci beaucoup à Anne Toscane-Viudès pour cette visite de la maison de Maurice Genevoix et pour cette évocation d'un poète. Maurice Genevoix, Anne Toscane-Viudès qui prépare le cours de l'histoire avec Marion Dupont, Camille André et Alice Rouet. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est l'heure de retrouver le journal d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, un film qui fait polémique, cette fois c'est une fiction, Le Roi de David Michaud sur Netflix. Votre Majesté, le roi Henri d'Angleterre. Nous sommes au début du XVe siècle. Le prince Hal monte sur le trône d'Angleterre après bien des péripéties. D'abord sa répugnance à exercer le pouvoir, ensuite ses relations exécrables avec son père Henri IV d'Angleterre, et pour finir la primauté de son frère désigné officiellement comme successeur, qui meurt prématurément de son goût immodéré pour les arts de la guerre. Les conseillers de la cour les plus avisés se réjouissent de l'arrivée de ce jeune sage à la tête d'un royaume en flammes nourri par les révoltes écossaises et diverses indisciplines baroniales, et ce, malgré sa vie de patachon passé, loin du pouvoir, mais abonné aux festivités qu'offrent les tavernes les mieux ravitaillées du pays. Devenu Henri V, notre roi se résout, après avoir résisté de toutes ses forces, à entrer en guerre contre la France, qu'il écrase à domicile lors de la célèbre bataille d'Azincourt. Une belle déculottée et une telle défaite que le roi Charles VI de France, rappelons qu'on l'avait surnommé le Fou, déshérite son propre fils au profit d'Henri V et lui offre la main de la fille de Vanessa Paradis, enfin de Catherine de Valois, sa fille à lui. Le film se termine sur une scène de vengeance terrible lorsque Henri V, pourtant largement vainqueur, découvre que son principal conseiller s'est joué de lui pour le pousser à une guerre qu'il ne voulait pas. Le roi pacifiste, aveuglé par ses mauvais conseillers, découvre avec amertume la solitude du pouvoir. Voici ce que raconte le film, une fable morale universelle, un miroir au prince et un arc dramatique parfaitement exécuté. Mais les historiens ne s'y retrouvent pas. Une pluie de critiques s'est abattue de part et d'autre de la Manche sur cette représentation du règne d'Henri V, réputé pour sa cruauté, affamant les habitants de Rouen lors du siège de la ville. Il menace de faire trancher les oreilles des soldats récalcitrants à son autorité et fait exécuter ses prisonniers de guerre. Bref, David Michaud ne s'est pas attardé sur les travaux d'historien, mais opère un condensé de la pièce hagiographique de Shakespeare qui imprègne encore profondément la représentation du roi Henri V et menace de contaminer celle du monde entier grâce à Netflix, aux grandes dames des chercheurs. À une exception près, l'apparition du rôle de conseil des femmes de la couronne, les seules à lui offrir un discours de vérité, à commencer par sa promise française, Catherine de Valois, qui lui révèle la manipulation qui l'a conduit à prendre les armes. Éprouvez-vous un sentiment d'accomplissement ? À quel égard ? À tous les égards. J'ai accompli ce que mon père n'avait jamais pu faire. J'ai fait l'unité du royaume autour d'une cause commune. Ce n'est qu'une trêve éphémère que vous avez obtenue. Une unité forgée sur des mensonges ne deviendra jamais une unité durable. L'histoire est une discipline conflictuelle, les relations entre la vulgarisation et la recherche ne sont pas apaisées, pour notre plus grand bonheur, puisque cela nous amène à nous intéresser à l'histoire et aux fables que l'on en tire avec l'œil curieux de celles et ceux qui cultivent le doute comme le meilleur outil d'accès à la connaissance. Merci beaucoup Anaïs Kien. Tous les liens retrouvés sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. Toute la semaine, le cours de l'histoire s'est intéressé à la Première Guerre mondiale. Vous pouvez réécouter ces émissions sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et c'est le cas pour toutes les émissions sur France Culture. Et c'est ça qui est pratique. Vous pouvez même les emporter avec vous pour la balado-diffusion et puis nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Demain, nous serons en direct d'Orléans pour le festival de Cannes 1939, un festival qui n'a pas eu lieu. Pourquoi Orléans ? Parce que Orléans est la ville natale de Jean Zay, figure de la République, père de ce festival de Cannes. Festival de Cannes 1939, nous porterons nos regards sur le Cannes majeur de 1939, ce Cannes qui n'a pas eu lieu mais que nous voulons revivre.